Prends avec ce mieux. Si nous n'avons pas gagné l'Esprit bon Dieu en quantité dans la ville, nous jusqu'à ce que le vase nous remplisse, ennemi a joint une façon quand même pour le dévier de cette route-là. La vie a une façon quand même pour lui virer l'horloge nous, pour le faire nous pas ouer, côté pour nous passer, pour le faire nous faire ça, nous pas de faire, pour le faire nous dire ça, nous pas de dire. Mais nous pas écouter papa nous qui est dans le ciel. Lui-même qui sauve nous, lui-même qui délivre nous, lui-même qui prend nous dans le monde là et qui mène nous dans l'église là. Il fait nous promesse que la banne nous l'esprit. Li. C'est dans la parole li, que nous lisons ça. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, quand il sera venu, il nous convaincra. Il va convaincre nous. Pour nous servir bon Dieu, ne pas qu'à servir bon Dieu dans doute, faut que nous convainque, faut nous quitter l'esprit bon Dieu convainque nous pour nous connaître bien pour nous servir bon Dieu. Dans un monde tel que le monde ça n'a vive là, si nous pas convaincre, si nous pas convaincu que servir bon Dieu son bon bagage, monde là a viré l'horloge nous. Si nous pas convaincu marcher avec bon Dieu dans la fidélité, c'est quelque chose que nous devons faire. Et c'est obligatoire, nous devons faire ça. Faut que nous fassions ça. Si l'Esprit bon Dieu n'est pas venu dans la vie, nous pour convaincre nous en matière de justice, de péché et de jugement, nous finis. Et nous avons déjà mis toute bagaille en place. Si vous ne pouvez pas voir ça, je vais dire ça. Il fait ça. Il a mis toute bagarre en place pour le finir avec chacun de nous qui l'a. Béni soit l'Éternel, parole a déjà dit ça. L'Esprit bon Dieu vient dans la vie, nous l'a conduit nous dans toute la vérité. L'Esprit bon Dieu vient dans la vie, nous l'a empêché de faire ça qui est mal là. L'a convaincu, nous l'a fait gagner un bon jugement. N'a pas jugé. N'a pas raisonné. N'a pas pensé, n'a pas réfléchi, n'a pas vu que servir bon Dieu, c'est un bon bagage. Nous besoin de l'Esprit bon Dieu dans la vie, nous, pendant que je dis à nous temps, nous avons possibilité pour nous servir bon Dieu. Demain, c'est pas trop tard. Demain, c'est tribulation. Demain, c'est la gaine en bois. Demain, c'est courir, monter, descendre. Demain, nous pouvons joindre nous. Avec bon Dieu, individuellement, nous n'avons pas besoin de monde qui pour conseiller, nous n'avons pas besoin de monde qui pour prêcher nous. Nous n'avons pas besoin de monde pour exhorter nous, mais c'est ça nous devons en joindre dans bon Dieu. C'est l'Esprit bon Dieu qui va dans la vie nous, qui va diriger nous, pour nous continuer à chaque bon Dieu. Alors je dis à de seul cœur, nous allons utiliser même parole dans un seul esprit. Nous pouvons le pocher contre bon Dieu, ou à prendre position, qu'on s'en tient à l'aise là, pour supplier bon Dieu. Pour supplier Seigneur, implorer lui. Mandez bon Dieu pour le faire grâce à, pour le bâtir l'esprit lui. L'esprit ça qui va soutenir, qui va fortifier, qui va avoir capacité, qui va convaincre, pour que vous pas jamais virer Dieu ou garder derrière encore, mais pour fixer Dieu sur la croix. Pour fixer les yeux sur le royaume bon Dieu. Ya. Pendant que les musiciens, yo, encore une fois, après le fredonner, chante ça pour nous. Personne ne va jamais même moi, comme Jésus. Misez sur l'amour bon Dieu. Misez sur compassion bon Dieu. Misez sur miséricorde bon Dieu. Et puis parlez à bon Dieu. Mandez-lui pour le baptiser du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Louange à Dieu, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. À toi seul la louange, à toi seul la gloire. À toi seul la magnificence, à toi seul la beauté. L'éternité.